l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. La perdrix pirouite, le dindon glouglout, la fauvette zinziennule, le gé cajole, l'épervier glapi et pial, l'alouette turlute, la palombe caracoule et concourège, le pinson frigote et le rossignol chante, gringote, trille et quirite. À lui tout seul, le rossignol aurait pu occuper toute l'émission. Mais il n'est pas le seul oiseau chanteur. Puisque le paon braille et la cigogne craquette, il fallait bien se demander si la curiosité des musiciens pour les chants des oiseaux ne s'en tient qu'aux circonvolutions phoniques des différents types d'animaux ou répond à quelques critères plus ornithologiques. Pour croiser les perspectives et varier les plaisirs musicaux inspirés de tel ou tel autre chant d'oiseau, Métaclassic accueille cette semaine dans l'ordre d'apparition deux musicologues, Alessandro et Agnès Arbaud, un baryton qui porte le nom emblématique de Jacques Loiseleur des Longchamps et une performeuse, Violaine Lochu. Tout commence au beau milieu du Rossignol de Stravinsky. Alessandro Arbaud, en quoi le chant du rossignol est-il plus humain que les autres ? Il y a peut-être une réponse relativement simple à donner à cette question. On peut observer déjà qu'à propos d'un rossignol, on parle de chant, d'une manière peut-être, ou presque certainement pour certains, métaphorique. Mais qui parlerait par exemple du chant d'un pigeon ? Et alors il suffit de comparer peut-être le roucoulement d'un pigeon au chant d'un rossignol. Monotonie et répétition d'un côté, variété d'émissions, puissance sonore, justesse et variation de l'autre. Tout cela, évidemment, fait penser à une forme de virtuosité. L'émission sonore d'un rossignol, tout comme pour certains aspects, pour dire celle d'une alouette ou d'un merle, paraît en effet particulièrement musicale, dans le sens qu'elle possède des caractères que nous, les hommes, attribuons normalement à cette activité que nous appelons musique. Ces oiseaux paraissent capables de maîtriser des procédés de répétition et des variations rythmiques et mélodiques qui semblent en effet n'avoir rien à envier aux musiques humaines. Après, d'un point de vue théorique ou philosophique, il est peut-être moins simple, pour ainsi dire, d'affirmer que ces oiseaux possèdent une véritable ars. Agnès Arbaud, en quoi le chant du rossignol est-il plus humain que les autres ? La question était déjà posée par les anciens et était même ardemment débattue par les différentes écoles philosophiques dans l'Antiquité. Il faut dire que l'enjeu était de taille. Quand on parlait d'ars dans l'Antiquité, on supposait un ensemble de règles maîtrisées constitutifs d'un savoir rationnel. Or, quand on parlait de raison dans l'Antiquité, et plus largement d'intelligence, le problème était de savoir si l'intelligence et la raison étaient l'apanage exclusif des hommes, ou si ils pouvaient être jusqu'à un certain point partagés par certaines espèces animales. Alors certaines écoles, en particulier certains stoïciens, affirmaient que les animaux ne pouvaient avoir d'ars qu'en apparence. En revanche, d'autres écoles, et je pense en particulier à certains néo-académiciens, pensaient que la raison pouvait être jusqu'à un certain point partagée par les animaux, et le meilleur argument qui s'offrait à eux pour le montrer était les oiseaux chanteurs, et en particulier le plus grand chanteur parmi ces oiseaux, qui était le rossignol. Dans quel contexte le chant humain et le chant des oiseaux se sont-ils concurrencés ou comparés ? Disons que les anciens avaient pu penser non seulement que les animaux étaient entre guillemets musiciens, mais que la musique humaine elle-même découlait de leurs émissions. Et il y a cette fameuse citation qu'on retrouve souvent dans les sources anciennes du poète Alcman qui prétendait avoir trouvé dans le bec de Perdrix le vers qu'il chantait et la musique qui les accompagnait. Mais c'est évidemment de la mythologie. Certes, tous les animaux ne sont pas capables de telles performances, mais nous sommes bien souvent tentés d'interpréter les signes de ce qu'ils sont, au moins 300 espèces d'oiseaux qui sont concernées, comme des chants. Et la question qui surgit alors pourrait être plus précisément la suivante. Une telle expression, les chants des oiseaux, est-elle métaphorique ou bien correspond-elle à un phénomène réel ? En d'autres termes, avec les chants des oiseaux, avons-nous affaire à une projection anthropomorphe ou à une activité qui caractérise effectivement leur comportement ? Et là, c'est difficile de répondre, évidemment, il faudrait partir d'une sorte de définition déjà de ce qui est chant, de ce qui est musique, ce serait vraiment faire un tour très large. Mais disons que pour certains philosophes, Rousseau typiquement, les oiseaux ne chantent pas vraiment. Et Rousseau disait plus précisément dans un de ses textes, « Les oiseaux sifflent, l'homme seul chante. » Mais ça, c'était lié évidemment à une définition précise qui, du chant comme étant lié à la parole et à l'homme, au langage, à l'émission sonore proprement humaine. Si on part d'une définition du chant qui est plus liée, si on veut, à des variables, à des composantes musicales, à une morphologie sonore, l'émission sonore des oiseaux a des traits en commun avec les chants humains et peut être défini comme une sorte de chant. Alessandro Arbo, est-ce que les observations zoologiques, biologistes que font Aristote ou Pline sur les chants des oiseaux les empêchent de leur prêter une valeur trop esthétique ou pleinement poétique ? Aristote et Pline sont des scientifiques de l'époque. Ils étaient sans doute fascinés par les phénomènes, émerveillés on pourrait même dire, mais n'étaient pas destinés à le valoriser esthétiquement. Ce que feront ensuite certains musiciens ou poètes, je pense à Jeannequin au XVIe siècle, puis Vivaldi, Haydn, Beethoven, Stravinsky et beaucoup d'autres, et surtout, bien entendu, Messiaen, et encore plus près de nous, François-Bernard Mach. Mais en revanche, Pline avait observé attentivement les caractères intrinsèques des émissions sonores du rossignol. Et il a consacré à ces descriptions des pages mémorables dans son encyclopédie. Ce n'est pas un passage qui est très facile à traduire, qui demande beaucoup d'interprétation. Par exemple, il commence par dire que le chant du rossignol « continuo spiritu traitur in longum », ce qui veut dire, littéralement, « le son est étiré en longueur par une émission de souffle continue ». Et ça correspond bien à ce que l'on sait, ce que l'on peut entendre dans nos jardins du chant du rossignol. Pareil pour l'expression, ce qu'on lit ensuite, par exemple, « nunc variatur inflexo », ce qui veut dire, littéralement, « varié par une inflexion », peut-être mieux, « par un infléchissement du souffle ». On peut lire encore d'autres expressions très significatives, comme, toujours à propos du son, « promititur revocato », qui veut dire « prolongé par une repoudrise ». Et ça correspond là aussi bien au chant que l'on peut entendre dans notre jardin, dans nos jardins. Le souffle est pour ainsi dire rappelé après avoir mené à bien sa tâche dans le motif précédent. Il en va de même encore avec une autre expression, « copulatur in torto », qui veut dire « le son est enchaîné en roulade ». C'est une terminologie d'ailleurs empruntée par Pline à l'art oratoire, mais qui est choisie de manière particulièrement heureuse dans ce cadre musical. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. War ich mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiß, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich find sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich die Zucker her. Küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. von meiner Seite ein, ich biete wie ein Kind sie ein. Jacques-François Loiseleur Deslongchamps, bonjour. Bonjour. J'ai dit votre état civil entier, ce presque, que vous oui. ne faites pas. Non, j'ai réduit à Loiseleur, ou à Loiseleur Deslongchamps, oui. J'ai supprimé le prénom, c'était un peu long sur les affiches et sur les programmes. C'est-à-dire, vous avez pris que votre patronyme, qui est donc oui. Loiseleur Deslongchamps, et vous isolez Loiseleur très couramment. Voilà, qui est vraiment le... Qui, donc, ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom, ça date du Moyen-Âge. En fait, mes ancêtres faisaient le même métier que Papageno, des Vogelfänger dans la flûte enchantée. C'est-à-dire qu'ils chassaient les oiseaux. Alors voilà, nous, les oiseleurs capturent les oiseaux vivants, principalement les passereaux chanteurs, donc les rouges-gorges, les rossignols, etc., les merles, les alouettes, etc., pour les mettre en cage et les revendre dans les châteaux, voilà, pour oiseaux d'agrément. Par ailleurs, je suis complètement contre, mais à l'époque, ça se faisait, donc c'était soit avec des pièges, soit avec de la glu. Voilà. Et c'est le métier de Papageno, donc qui dans la flûte enchantée de Mozart, enchantée, qui vend à la reine de la nuit ou qui échange à la reine de la nuit des oiseaux contre de la nourriture et du vin. Mais alors, ça veut dire que ce sont des trafiquants presque pas tant d'oiseaux que de chants d'oiseaux. Absolument. Ils apportent des bêtes à musique voilà. dans les salons. Voilà. Alors, vous isolez Loiseleur, justement, pour faire résonner directement votre voilà. activité de baryton. Voilà, il se trouve que je suis baryton, et il se trouve que probablement je suis le premier baryton à s'appeler Loiseleur et à chanter Papageno, qui était d'ailleurs mon premier engagement. Et voilà, donc j'ai isolé un petit peu comme ça pour faire simple, et puis c'est quand même un joli nom aussi, j'ai beaucoup de chance, c'est un joli nom, même si le métier me plaît moins, je trouve et puis alors les Longchamps se sont rajoutés après, puisque nous étions originaires d'un petit village aux confins de l'Île-de-France et du Perche. Et j'imagine qu'il y avait trop de Loiseleurs, et puis on leur a donné des sobriquets. Et il devait y avoir les Loiseleurs du Puy, les Loiseleurs de la Forêt. Et nous, on avait un terrain qui s'appelait les Longchamps. Voilà. Et on est devenus les Loiseleurs des Longchamps. Mais alors, le fait que, par exemple, Papageno soit votre premier emploi, oui. Ça tient aussi à votre nom. C'était pour le clin d'œil, pour mettre sur le programme que Loiseleur sera joué par Loiseleur. Enfin, peut-être, en tous les cas, je ne sais pas combien on était à l'audition à l'époque, mais voilà, c'est moi qui ai été pris. Et après, j'ai fait plusieurs autres productions, oui. Alors, il se trouve que vous avez quand même le goût des gens qui portent des noms d'oiseaux, littéralement, au point que vous essayez de ne vous entourer que de ces gens-là. Donc, vous jouez par exemple avec une certaine Lauriane Corneille, avec Mathilde Rossignol, avec Alexander Swan, qui est aussi un nom d'oiseau. Oui, alors là, c'est juste pour un programme particulier, puisque mon activité... Au-delà de, je suis chanteur d'opéra et puis j'ai aussi une compagnie qui s'appelle la Compagnie de Loiseleur, qui est spécialisée dans deux choses, dans les programmes à thème et dans la résurrection d'ouvrages oubliés, méconnus, voire inconnus. Et donc, dans les programmes à thème, on a tout un programme sur les oiseaux. Ça fait plus de 15 ans que je collecte et collectionne des partitions sur les oiseaux, parfois des choses complètement inédites que je déniche dans les foires à tout, les brocantes, les vides-greniers, les, voilà. Et donc j'ai des dizaines, voire probablement des centaines de mélodies sur les oiseaux. J'ai tous les perroquets, les pélicans, les rossignols. Enfin, ce qui revient le plus, c'est les rossignols et les alouettes. Thank you. Wessler Deslongchamps, vous avez tout à l'heure insisté sur votre tendresse pour le coucou. Il semble que ce soit le seul oiseau qui chante juste du point de vue de la gamme que nous pratiquons les humains musiciens. Que voulez-vous dire? Il fait une tierce parfaite, alors que tous les autres oiseaux ne respectent pas. Ah oui. Ils ne respectent pas la gamme, les autres. Et pourtant, les compositeurs ont essayé de reproduire. Ils sont obligés de reproduire. Ouais. Beaucoup de compositeurs ont essayé de reproduire le chant du rossignol. Alors, je ne savais pas pour le coucou. Bon, évidemment, il y a Louis-Claude Daquin qui l'a utilisé pour sa sonate pour clavecin, pour sa pièce pour le clavecin. Il y a aussi Léopold Mozart dans La Symphonie des Jouets. Ah oui. Qui imite le coucou. Alors après, c'est assez réduit. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié le coucou, mais je pense qu'il dit assez peu de choses dans son chant. Comme vous savez, c'est un oiseau opportuniste, donc les coucous pondent dans les nids des autres et vont même jusqu'à évacuer les œufs. Des autres oiseaux. C'est pour ça qu'on appelle les cocus les cocus. Ou non, c'est le contraire, c'est parce qu'on appelle les cocus qu'on appelle les coucous. Non, je sais pas. Il semble qu'il y a un lien. Je crois pas qu'il y a un lien, oui. Les coucous. Coucous. Il y a un oiseau qui ne parade pas par la beauté de ses chants, mais surtout par la beauté de sa roue, c'est le paon, dont Ravel d'ailleurs consacre une des pages de ses histoires naturelles. Voilà, sur un poème de Jules Renard avec un humour féroce en fait, qui décrit toute la parade majestueuse et princière du paon, et en opposition à son cri si disgracieux. Nom d'oiseau ou pas, la question est, est-ce que le motif de l'oiseau pour un chanteur appelle des dispositions plus fantaisistes ou Peut-être, vous avez raison, peut-être. Et, il faut virevolter au-delà de ses habitudes vocales. Comme vous parlez bien, peut-être. Et en plus, il y a des gens qui ont la phobie des oiseaux. Et puis j'ai probablement parmi mes camarades des chanteurs qui ont la phobie des oiseaux. Peut-être que je ne pourrais pas leur demander de participer. Oui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Enfant, songe, fille, sans dos. Pourquoi pleurer dans vos rideaux? C'est demain le jour des cadeaux. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Doré. N'empêche que, donc voilà, vous allez vous appeler l'oiseleur des Longchamps et vous travaillez avec un autre l'oiseleur, un compositeur qui s'appelle Patrick l'oiseleur, et c'est bien de par l'homonymie qu'est venue la collaboration. Absolument, je cherchais quelque chose sur moi sur internet, donc j'avais tapé mon nom et je suis tombé sur Patrick l'oiseleur, que je connaissais pas, qui est un compositeur et qui écrit remarquablement. Il a d'ailleurs un blog qui s'appelle Le Journal de Papageno. Et nous avons fort sympathisé, il est devenu un de mes amis, et je lui ai commandé plusieurs fois des pièces, et par ailleurs j'ai créé certaines de ces pièces, dont un magnifique cycle sur les poèmes qui s'appelle « À la santé », sur les poèmes d'Apollinaire lorsqu'il était incarcéré. La musique classique et au-delà. C'est Métaclassique avec David Christoffel. C'était donc une mélodie de Patrick l'oiseleur, interprétée par l'oiseleur des Longchamps avec Marie Olivon au piano. Parmi les mélodies que vous avez recensées, l'oiseleur des Longchamps, qui ont l'oiseau comme... dénominateur commun. Comme dénominateur commun, il y a l'albatros d'Ernest Chausson, le bengali de Manuel Rosenthal, la vilanelle des petits canards d'Emmanuel Chabrier, le colibri à nouveau de Chausson, le cygne de Edvard Grieg, sang et plumes d'Olivier Greff sur un texte de Jacques Prévert. C'est toujours un poème qui est... Alouette, gentille alouette. Oui, c'est sur le thème de l'alouette. Alouette, gentille alouette. Oui. Ça, c'est une chanson enfantine. Oui, mais il l'a détournée, oui. Le perroquet de grand-maman de Jacques-Louis Batman. Le fox du canard. Oui. C'est autant de mélodies que l'on connaît très peu. Absolument. En fait, il y a des. Avec la compagnie, là, depuis qu'elle existe, depuis 10 ans, on a joué plus de 250 compositeurs, dont certains, je n'ai même pas trouvé de renseignements. J'ai trouvé une partition d'eux, et je n'ai rien trouvé d'autre d'eux, même pas de date de vie. Voilà. Donc, il y a des tas de gens dans ces programmes qui voilà. Que je ressuscite, mais... Mais comment vous trouvez les partitions ? Alors donc, j'en cherche constamment. Donc, sur Internet, on a une chance inouïe avec ce site qui s'appelle IMSLP, qui est un site absolument avec des milliers de partitions. Des gens mettent en ligne, scannent et mettent en ligne des partitions de toutes sortes. Bon, il y a toutes les choses très connues qu'on peut télécharger sans avoir payé de droits. Mais il y a des trucs que les gens scannent des partitions entières, des opéras entiers, d'autres compositeurs inconnus. Et c'est absolument un outil exceptionnel. Avant ça, ça me mettait des heures, des mois, des semaines pour écrire aux bibliothèques, pour repérer quelque chose, pour demander qu'on nous l'envoie, etc. Là, en un clic, vous avez quantité de choses. Et donc, quand je dors pas, je fais compositeur par compositeur sur MSLP. J'ouvre chaque page et je regarde ce qu'il y a. Et ça remplit petit à petit, je remplis mes cases et mes programmes à thème. c'est parce qu'on aurait appris la musique des oiseaux que l'on a voulu ensuite apprendre à chanter aux oiseaux ? Je ne suis pas sûr que l'on puisse vraiment apprendre à chanter aux oiseaux. En revanche, dès l'Antiquité, on s'est rendu compte, assez vite d'ailleurs, parce qu'Aristote a déjà une certaine conscience, et même une conscience assez précise de ces phénomènes, que les oiseaux, ou certains oiseaux, pouvaient apprendre et transmettre leur chant à leurs proches, à leurs similaires. C'est le phénomène qui aujourd'hui les scientifiques décrit en termes de, disons, de protoculture. C'est le phénomène des dialectes, en fait. Le fait qu'un oiseau puisse chanter d'une manière qui est typique d'une certaine région. Ce qui fait que si on le déplace ailleurs, il paie, à certaines conditions, évidemment, s'il est dans un âge où il a cette possibilité, il peut apprendre à chanter différemment. Et c'est pour ça que la science moderne parle, disons, des dialectes et émet l'hypothèse d'une sorte de proculture. Les modernes ont redécouvert ce dont Aristote déjà était tout à fait conscient dans son Histoire des animaux. Par exemple, en 536b de l'Histoire des animaux, il n'hésite pas à dire que le chant du rossignol n'est pas inné, mais appris. Et il poursuit en soutenant que celui des petits est différent de celui de leurs parents s'ils n'ont pas été élevés par eux et ont entendu d'autres oiseaux. Et il prétend même que l'on a déjà vu un rossignol enseigner le chant à son oisillon. Alors Pline, dans le passage dont on a parlé tout à l'heure, poursuit dans cette voie et va même plus loin puisqu'il n'hésite pas à mettre en scène une véritable leçon donnée par un rossignol magister qui est maître à un discipulus qui apprend, qui cerce, ce qui suppose un certain esprit critique que Pline n'hésite pas à mettre en valeur. Alors certes, Pline cède à l'émerveillement que lui inspire toujours le spectacle de la nature, mais il n'empêche que, comme Aristote avant lui, il avait déjà souligné que quand on parle de chant, en particulier pour le rossignol, on a affaire, d'une certaine manière, à une véritable protoculture. Alessandro Arbo, les verbes que l'on emploie pour désigner le chant des oiseaux semblent contenir la promesse ou le fantasme d'un langage plus imitatif. Ce n'est pas tellement l'effet que ces verbes contiennent, si on veut, l'idée d'un langage imitatif. Mais c'est plutôt peut-être le fait qu'ils nous rendent plus attentifs, sans doute, aux composantes sonores de la langue. C'est la rhétorique ou l'art oratoire, en fait, de l'Antiquité, bien plus que la théorie musicale, sans doute, qui nous ont rendu attentifs à ces éléments. Et en effet, dans la description de Pline, on retrouve ces vocabulaires pour décrire un phénomène qui aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à définir comme musical. On a beaucoup parlé, depuis Aristote, de la fonction biologique du chant des oiseaux. Et les ornithologues ont continué après et ont développé surtout cette idée. On s'est demandé si elle est en quelque sorte unique ou exclusive. Est-ce que, en d'autres mots, les oiseaux chantent seulement pour cette fonction, dans la période des amours, par exemple. Et là, on observe une extrême diversité des chants que les oiseaux peuvent produire. Alors, comment s'expliquer cette diversité? L'éthologie nous rappelle que la redondance assure, dans ce cas, une plus grande intelligibilité du signal. Donc, dans ce cas, ce serait comme un langage, effectivement, les animaux, pour ainsi dire, connaissent biologiquement le repetita iuvant. Hein. Mais ces constats n'est pas toujours évident, parce que toutes les variations que certaines espèces introduisent, loin de rendre le signal plus intelligible, risquent de le brouiller. Bref, les multiples variations ne peuvent pas toujours être expliquées par des motivations d'ordre biologique. Elles sont, pour ainsi dire, coûteuses en termes d'énergie et semblent relativement inutiles aux fonctions vitales ou reproductives de l'animal. Violaine Lochu, comment est-ce que les oiseaux se sont immiscés dans votre voix? Je crois que je me suis toujours intéressée aux oiseaux parce qu'ils font partie de mon environnement quotidien, parce que j'ai grandi à la campagne. Et donc j'ai toujours entendu des oiseaux autour de moi, c'est seulement depuis... quelques années que j'habite maintenant en ville, et puis même derrière chez moi, il y a un jardin, j'ai cette chance, et il y a un jet dedans que j'entends régulièrement, il y a des pigeons, il y a des mésanges, et voilà, donc on est toujours entouré d'oiseaux, et donc je pense que c'est assez universel, la relation l'homme à l'oiseau, et que ça n'a rien de vraiment original, ce que je décris. Je crois que beaucoup d'entre nous sont attirés et intéressé par les oiseaux, que ce soit pour leur chant, où j'ai des amis qui passent des heures à les attendre pour les photographier. Donc c'est d'abord d'un intérêt personnel et profondément humain, j'ai envie de dire. Shh, shh, shh. À partir du moment où vous avez commencé à vous-même les faire dans le cadre d'une performance artistique, est-ce que les différences de chants d'oiseaux vous sont apparues différentes? Est-ce que vous avez eu, par exemple, envie de davantage identifier les différentes espèces et... Bien sûr, et je suis toujours partie en fait des chants des oiseaux pour aller chercher le chant dans ma voix. Je sais pas si c'est vraiment ça la question. Non, mon idée c'était de savoir est-ce qu'à partir du moment où il s'agissait de le mettre dans sa voix pour faire une performance artistique, vous êtes mis à guetter les différents types de chants d'oiseaux de façon plus scientifique ou plus documentée, c'est-à-dire d'aller chercher comment est-ce que la cigogne chante différemment du merle ou ainsi de suite. C'est-à-dire comment ils utilisent leur syrinx par exemple? Oui, puis quel pattern mélorythmique ils produisent? Alors, en fait, donc, je pars de rencontres empiriques, oui. Où je croise certaines espèces, oui. Que ce soit d'ailleurs lors de cette première phase où je me suis intéressée au chant des oiseaux, donc pour U comme ululer, puis donc des oiseaux de France, de Moselle, et puis ensuite en Laponie, ça s'est poursuivi et j'ai créé High Bird avec des chants que j'ai entendus d'oiseaux lapons, d'oiseaux suédois. Dans les deux cas, c'est des choses des espèces que j'ai pu empiriquement, par l'expérience, rencontrer. Et puis après, il y a aussi plein d'espèces en cherchant sur des sites que j'ai trouvé. Donc vous avez, c'est bien ce que je disais, entamé une démarche de documentation pour élargir votre répertoire de chants à partir du moment où vous étiez vous-même dans une problématique de devoir en tout produire. Tout à fait, c'est tout ça. À fait. Vous avez raison, c'est ça vraiment, puisque moi je crois qu'il doit y avoir un nom pour les documentaristes qui enregistrent les oiseaux. Voilà, mais dans mon cas, non, j'ai pas enregistré les oiseaux, je les ai pas tous entendus. C'est vraiment une démarche en effet documentée. D'où vient, et le cas échéant, que pensez-vous de la langue des oiseaux, Agnès Arbon? Les anciens, toujours eux, ont certes observé, comme Pline, les différentes séquences sonores émises par les oiseaux, et se sont employés à les décrire, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il faut savoir que les anciens, et en particulier les Romains, croyaient en la vertu divinatoire du chant des oiseaux, et en particulier des oiseaux chanteurs. Alors peut-être est-ce pour cela que Pline est aussi attentif aux différentes séquences. Elles avaient un sens dans l'Antiquité. Il est intéressant à cet égard de savoir qu'une des sources de son encyclopédie, et particulièrement du livre 10 qu'il consacre aux oiseaux, est constituée par un grand spécialiste de l'art augural dans l'Antiquité. Certes, la signification que l'on donnait aux différents chants, dans différentes circonstances, aux différentes inflexions, des significations négatives ou positives, de bons ou de mauvais présages, n'est plus considérée comme une science aujourd'hui. Mais il n'empêche que manifestement, ces grands spécialistes de l'art, de la divination par le chant des oiseaux, c'était par la force des choses livré à une observation du chant dont on garde peut-être un témoignage dans l'attention que Pline prête au chant du rossignol. On pourrait rajouter que la question de la langue des oiseaux, c'est pour ainsi dire, au-delà des significations symboliques, une véritable question pour les ornithologues aujourd'hui, liée évidemment à la fonction du chant et à la question des différences des dialectes dont on a déjà parlé. La capacité dont témoignent certains oiseaux à reproduire, modifier, transposer et même adapter le chant d'autres espèces est peut-être le fait le plus intéressant à observer. C'est en quelque sorte la preuve que ces animaux possèdent une sorte de capacité à manipuler une image sonore longue et complexe. C'est une observation qu'avait fait François Bernard Mache, qui a un musicien qui a observé très attentivement le chant des oiseaux. Et quand vous le notez avec des critères de nuance, de hauteur et encore ? Alors juste pour revenir à ce que vous disiez avant, la composition, si je reviens dans l'ordre, c'est vraiment des histoires de choses. Je compose souvent dans des choses qui se développent comme une accumulation ou comme... parce que c'est une bonne question en fait, ce que vous me posez des questions en tant que musicien, et c'est des questions que, parce que je viens surtout du monde des arts plastiques, qui on ne me pose jamais, donc ça m'oblige à réfléchir en d'autres termes. Donc je vais reprendre en effet la partition pour avoir une mémoire de ce que je dis. Donc celle-ci d'ailleurs a été mise à l'enfer par le graphiste, mais là on voit vraiment cette question de l'accumulation et comment je vais rentrer dans une densité de matière. Donc je décris, puisqu'on est à la radio, où on a d'abord une ligne presque continue, mais pas tout à fait droite, puis elle s'intensifie, puis il y a deux lignes superposées, mais des lignes très fines, sans doute faites à l'encre de Chine. Je travaille avec un stylo plume assez basique. Ah d'accord, ouais, ok. Ouais. Et donc elle s'accumule pour donner à la fin quelque chose qui est beaucoup plus rempli. Ensuite, on passe à la seconde partie où je viens racler, et là, vous voyez, c'est plus des jeux de contraste entre deux matières, qui est le bruit raclé accordéon et le « à la voix. Dans la troisième partie, on est quelque chose sur plus un all-over où il y a moins de contraste. C'est des notes tenues, des bourdons avec des « qui viennent comme ça. Voilà, donc c'est, je dirais, trois modes de composition. L'accumulation, le développement, le contraste entre deux à trois, voire à quatre voix, et puis quelque chose de plus all-over qui, un peu, j'adore le compositeur Feldman, voilà, quelque chose... Anton Feldman. Ouais, exactement. Oui. C'est quelqu'un qui m'influence, qui m'a beaucoup influencé, entre autres. Compositeur, pour revenir sur l'idée du all-over et d'un sort de tapis comme ça où il y a des modulations, des choses qui sont différentes, des variations en même temps qui ne s'entendent même plus. Enfin, c'est ça l'invisibilité d'une variation que je cherche parfois. Voilà. Pour ce qui est de votre inscription dans la tradition poétique, puisque votre travail est en dialogue avec les poètes, quand vous êtes sollicité à l'endroit qui est justement le chant d'oiseau, comment est-ce que vous vous en défendez ? Alors, tout d'abord, je dois vous avouer que j'ai été très surprise d'avoir été invitée par des poètes. On m'a invitée, en fait, j'ai commencé à comprendre que je pouvais être rapprochée de la poésie sonore il y a très peu de temps, En avril 2019, il y a eu cette exposition au Palais de Tokyo qui a été curatée par Eric Mangion et Patrizio Peterini de la Fondazione Bonotto, dont en fait le directeur voilà, est collectionneur de poésie sonore. Et donc j'ai été invitée comme ça à rejoindre ce groupe de poésie sonore à ce moment-là. Mais pour ma part, je me suis toujours considérée comme avant tout une performeuse et une artiste sonore. Et c'est à ce moment-là voilà, que j'ai été invitée à rejoindre un peu cette scène de poésie sonore. Et depuis, de nombreux poètes m'invitent, proposent des collaborations, et dont ce que vous avez vu à la Maison de la Poésie, voilà, la revue Poésie m'a invitée. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un sens, évidemment, hein, parce que je m'intéresse au langage, mais c'est vrai que c'est un langage qui est en dessous du langage. Et je pense que ça résonne dans la tête des poètes parce qu'il y a une idée de composition linguistique également, parce qu'on parle de langage des oiseaux. Et puis d'aller chercher dans la voix la sonorité. Mais par exemple, la personne qui m'a invitée à enregistrer High Bird en studio, parce que c'est la seule performance que j'ai enregistrée en studio, est un musicien. Et High Bird, j'ai pu la jouer et j'ai pu le faire entendre à la radio dans des émissions dédiées à la musique, notamment Couleur du Monde, Okora Couleur du Monde, qui est animée par Françoise De Georges sur France Musique. Donc c'est vrai que High Bird, elle s'est jouée évidemment au Palais de Tokyo, encore où à la Fondation Ricard, aux Instants Chavirés. Enfin, High Bird, voilà, se joue autant à la maison de la poésie qu'aux Instants Chavirés, qu'au Palais de Tokyo. Donc c'est mon travail, c'est vraiment quelque chose qui est interdisciplinaire. Donc tant mieux si ça s'ouvre à la poésie sonore. Alors oui, vous dites tant mieux si ça épouse le plus de chants possible, mais on pourrait aussi se poser la question autrement, c'est-à-dire que dès lors que les chants d'oiseaux permettent de suivre l'histoire de la poésie par des endroits extrêmement variés, on pourrait aussi se demander laquelle de toutes les traditions poétiques qui jouent avec les oiseaux vous voulez bien vous revendiquer. Parce que même en poésie sonore, tous les poètes sonores ne sont pas très ornithologues. À vrai dire, pour être tout à fait honnête, je suis beaucoup plus influencée par Messiaen. Je me sens beaucoup plus proche de la démarche de Messiaen. Que de la démarche d'un poète. Que de la démarche d'un poète, notamment sur cette performance High Bird. Dans la manière d'aller écouter et d'aller ensuite faire autre chose. Et chercher des résonances. Ou peut-être proche de la démarche d'un chasseur sami qui va aller. Parce que High Bird a été composé en Laponie, et j'ai passé beaucoup de temps avec les samis, qui sont les personnes qui sont originaires, qui sont les personnes originaires de la Laponie, hein, et qui vont chasser les oiseaux en les imitant. La poésie, je comprends pourquoi ils s'intéressent, c'est plutôt la poésie qui s'intéresse à moi, plutôt que moi qui m'intéresse à la poésie, bien qu'évidemment j'ai beaucoup écouté Tarkos ou Penkin ou des poètes sonores. C'est des personnes qui m'intéressent, mais qui m'ont finalement beaucoup plus influencée sur les pièces dont je parlais précédemment, Mémoire Palace, Animal Mimesis. Mais sur High Bird, ma démarche est plutôt celle de la chasseuse ou de la musicienne. Thank you. Thank you.